Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Un des thèmes forts de l'archéologie est sans nul doute celui de la cité perdue, perdue et retrouvée. Chaque continent possède, souvent au cœur d'une forêt impénétrable, car il n'y a pas de découverte sans effort. Viennent alors à l'esprit les cités du Yucatan, dont seul le sommet de leur pyramide dépasse la canopée. Mais il y a mieux, il y a plus vaste, encore plus spectaculaire, à l'autre bout de la terre, la cité d'Angkor, toujours prisonnière de sa jungle inextricable. Capitale des cités royaumes Khmer, Angkor fut bel et bien perdue, puis retrouvée. Aujourd'hui, un des grands événements culturels de l'année nous permet de la découvrir, de la retrouver, puisque le Musée national des arts asiatiques, le Musée Guimet, lui consacre une grande exposition. Pour en parler, deux invités, Pierre Baptiste, Thierry Zéphir, bonjour. Bonjour. Respectivement conservateur en chef et ingénieur au Musée Guimet, j'ai souvenir de votre exposition sur l'art Dvaravati et la période médiévale Khmer. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau tous les deux commissaires de cette grande exposition. Angkor, gigantesque cité archéologique, est désormais un mythe en Occident, un mythe érigé par un de ses découvreurs, Pierre Baptiste. C'est vrai que c'est un mythe qui prend naissance au milieu du 19e siècle à la faveur des grandes explorations qui vont marquer le début de la connaissance que l'on va avoir de cette péninsule indochinoise jusqu'alors presque totalement inconnue. Alors vous n'avez pas encore cité le nom de ce découvreur, c'est Louis de la Porte, c'est bien ça ? Alors c'est et ça n'est pas Louis de la Porte parce qu'en fait c'est lui qui probablement parlera le mieux du site, le décrira le mieux à la faveur des dessins qu'il va réaliser au moment de la mission qu'il accomplira en 1866 pour remonter le Mékong, mais ça n'est pas le seul, ni d'ailleurs le premier. On pourrait même dire que d'une certaine manière, il n'y a pas de redécouvreur d'Angkor, puisque le site n'a pas vraiment été complètement abandonné, ni oublié dans la mémoire collective, en tout cas des Cambodgiens qui vivaient à côté de ces temples. À lire la revue Le Tour du Monde, on s'aperçoit que les années 1860-1910, on va dire même 1914, sont une période de grande exploration, d'une grande curiosité en Europe. Le Cambodge n'y échappe bien sûr pas. Le Cambodge n'y échappe pas, d'autant plus qu'à cette époque, donc on est dans les années 1860, on ignore absolument la nature, la géographie, la spécificité des parties internes de la péninsule indochinoise, en fait. C'est tellement vrai que quand on va mettre sur pied en 1866, une grande mission pour vérifier la navigabilité du Mékong, on ne sait pas du tout si on peut effectivement utiliser ce grand fleuve pour rejoindre la Chine du Sud par bateau et faire du commerce avec l'Empire du Milieu par cette voie d'eau. Donc ce sont des expéditions d'exploration, et à la fois militaires et géographiques, et voire même peut-être archéologiques. Et oui, c'est un peu tout à la fois. Et d'ailleurs, quand Ernest Doudard-Lagré met sur pied cette grande mission en 1966, il va s'entourer d'abord de marins, bien sûr, et de militaires, hein, de gens capables de résister aux circonstances difficiles qui sont celles du Cambodge de ces années-là, mais aussi qui ont des compétences scientifiques. Et il va s'entourer d'ingénieurs hydrographes, de géologues. Il va s'associer les services d'un photographe aussi, Émile Xell, et puis d'un dessinateur qui est là pour couvrir tous les aspects de cette mission, qui sera donc Louis de la Porte. Thierry Zéphir, le destin des hommes tient souvent à peu de choses, au hasard de la vie. Cela sera bien sûr le cas de Louis de la Porte. Oui, Louis de la Porte, en fait, ne se destinait pas du tout à la carrière d'explorateur, d'archéologue, ni même d'homme de musée, puisqu'au départ, c'est un marin Il est né dans une famille bourgeoise d'Indre-et-Loire, à Loches. Et comme tous les, ou beaucoup de jeunes gens, en tout cas en son temps, dans ces milieux relativement aisés, il embrasse pour commencer une carrière militaire. Donc il devient marin. Et en fait, son service va le conduire en divers points du globe, de l'Islande aux Antilles, et puis des Antilles en Asie du Sud-Est, entre autres. Et c'est là qu'en 1866, alors qu'il est, il est stationné à Saïgon, il va être effectivement sollicité par Ernest Doudard de Lagré pour participer à cette fameuse mission d'exploration du Mékong qui se tient de 1866 à 1868, au cours de laquelle, dans les tout premiers temps de la mission, Ernest Doudard de Lagré conduit ses collègues sur le site d'Angkor. En fait, la visite du site d'Angkor à ce moment-là n'était pas du tout un objectif premier, mais Ernest Doudard de Lagré était tombé d'une certaine manière amoureux, avait été fasciné par le site qu'il connaissait depuis déjà un an ou deux, et donc il a souhaité qu'une documentation plus approfondie que celle qu'il avait pu établir dans les années 1864-65 puisse être produite. Et c'est la raison pour laquelle la mission d'exploration du Mékong fait ce crochet par Angkor. On a des écrits sur cette expédition de 1866 ? On a beaucoup d'écrits parce qu'en fait, à son retour, eh bien, cette mission va donner lieu à des publications qui vont d'abord paraître en épisode dans la revue Le Tour du Monde et qui va être enrichie de ces dessins justement de Delaporte, donc sous la forme de gravures. Et au sein de ces publications, en fait, on va comprendre un petit peu cet épisode passionnant qu'a été la découverte des temples d'Angkor, et puis des épisodes beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dramatiques qu'ont été tous ces moments d'exploration, puisqu'en fait, Ernest Doudard de Lagré a péri au cours de cette mission, et c'est Francis Garnier qui a pu conduire les différents membres de l'expédition jusqu'en Chine pour atteindre Shanghai, finalement, seulement en 1868. En voyant encore, ils savent ce qu'ils découvrent, ce qu'ils trouvent ? Alors, ils ne le savent pas vraiment. On connaît un peu de choses à propos d'Angkor depuis quelques années. Il se trouve que un certain nombre de missionnaires s'y sont rendus. Dans les années 1850, le père Bouyvaud a écrit quelques pages à propos de ces temples. Mais il faudra attendre quelques années encore pour que les écrits d'Henri Mouhot, qui est pourtant allé dès 1860, ne soient publiés. En fait, Henri Mouhot est mort au Laos en 61 et il va falloir attendre le début des années 1870 pour que ces écrits magnifiques au demeurant nous donnent une belle description des temples d'Angkor. Mais on ignore encore l'importance, la grandeur de ces architectures qu'on va découvrir un peu à la fois. Thierry Zéphir, face à ces ruines, Louis Delaporte aura un véritable choc émotionnel qu'il raconte d'ailleurs. Oui, il en parle souvent dans ses écrits. Il en parle aussi dans ses lettres, puisque la famille, les descendants de Louis Delaporte ont conservé une partie extrêmement importante de l'abondante correspondance qui s'est tenue entre ceux qui étaient restés en métropole, donc ses parents, ses frères, et puis lui-même. Et donc, effectivement, on comprend que dès l'abord de ce site d'Angkor, Louis Delaporte est tombé sous le charme à la fois des lieux, un petit peu romantique, enfoui sous la végétation, et puis aussi la beauté, l'originalité des monuments qu'il découvre. Il ne sait pas, bien sûr, à quand remontent ces monuments, ou en tout cas, en le pressant, on pense bien que c'est quelque chose qui doit remonter à l'époque médiévale, au sens le plus vague du terme, mais on n'a pas connaissance précise de ce que sont réellement ces temples. C'est donc vraiment un choc esthétique qui conduit Louis Delaporte à concevoir, dès la fin de la mission d'exploration du Mékong, le projet de faire connaître cet Arc-Mer et ce site d'Angkor à ses contemporains en France et donc de préfigurer et puis ensuite de réaliser deux missions ultérieures, une en 1873 et une en 1881, dont il est le chef, pour aller explorer plus avant le site et puis surtout pour en rapporter une documentation extrêmement riche, sous la forme à la fois de dessins, de relevés, mais aussi de moulages. Pris, nous allons reparler, bien sûr. Voilà, pris sur les monuments. Et à la faveur de ces deux missions, et essentiellement d'ailleurs de celle de 1873, Louis Delaporte aura aussi à cœur d'extraire d'une jungle qu'il considère comme absolument destructrice quelques pièces originales qui constituent aujourd'hui aujourd'hui le noyau des collections d'Arcmer du Musée national des arts asiatiques. Guillemets. Du Musée Guimet. Que voit-on dans ces ruines à cette époque? Un art issu du savant mélange entre l'Inde et la Chine, ni plus ni moins, Pierre-Baptiste? C'est peut-être un peu plus complexe que cela. En fait, on y voit les témoignages d'une civilisation qui semble, en tout cas aux yeux de ces explorateurs, disparue, qui est très héritière de l'Inde, c'est vrai, de la Chine un peu moins, malgré tout, et qui doit à l'Inde ses grandes religions, l'hindouisme et le bouddhisme, qui ont permis la réalisation de ces grands sanctuaires royaux que les souverains khmers vont édifier à Angkor, grosso modo du 9e jusqu'à la fin du 13e siècle, ce que l'on ignore encore absolument à l'époque, hein, naturellement, et qui sont en fait couverts de sculptures, qui racontent ces religions, qui racontent les divinités vénérées à l'intérieur des sanctuaires, ainsi que les épopées que ces religions, qui sont aussi à l'origine parfois de certaines de ces religions. En tout cas, Delaporte n'hésite pas, il utilise des mots forts, il parle des Athéniens de l'Extrême-Orient. Oui, il parle des Athéniens de l'Extrême-Orient, puisque l'aune de l'excellence, de la perfection, en tout cas dans la France du XIXe siècle, et surtout dans la France du Second Empire, ce sont les arts classiques, et donc la Grèce, Rome, éventuellement l'Égypte, la Syrie, en tout cas ces grands arts du bassin méditerranéen, auxquels, d'emblée, Louis Delaporte, effectivement, compare l'art khmer. Alors, d'un point de vue strictement formel, évidemment, ça n'est pas tout à fait juste, puisque les principes d'expression artistique propres aux arts du bassin méditerranéen dans l'Antiquité sont assez différents de ceux que l'on peut observer dans les arts de l'Asie et particulièrement de l'Asie du Sud-Est, donc du Cambodge. Mais son sentiment à l'égard de cet art khmer, c'est que c'est un art d'excellence plastique, esthétique. Et donc, c'est un des moteurs essentiels, en tout cas, de son action d'explorateur dans un premier temps, et puis bien sûr d'homme de musée à partir des années, la fin des années 1870, lorsqu'il va créer le musée indochinois du Trocadéro. Est-ce que l'art khmer des 9e, on va dire au 13e siècle de notre ère est très à part par rapport à l'ensemble de l'art de l'Asie du Sud-Est? Alors, c'est un art en fait qui appartient à cette famille des arts dits indianisés, c'est-à-dire des arts qui tirent leur inspiration de l'Inde elle-même, à la fois au plan iconographique, par le biais justement des religions qui s'exposent au travers de ces arts, mais aussi d'un point de vue stylistique, puisqu'il y a en Inde, il y a eu en Inde, un peu avant les débuts de ces grands arts de l'Asie du Sud-Est, une période faste qui est celle des Gupta entre le 4e et le 6e siècle, qui a beaucoup influencé tous les arts ultérieurs qui se sont inspirés de cette période, parce que en ce temps-là, en Inde, des sculpteurs de génie, des artistes de génie ont créé des normes d'ordre vraiment formel et esthétique qui ont ensuite une descendance dans tous les peuples de l'Asie du Sud-Est et même d'ailleurs au-delà jusqu'en Extrême-Orient. Thierry Zéphir, de fait, Delaporte y consacrera l'intégralité de sa vie, même si de fait il n'y passera que peu de temps, du moins sur le terrain. Oui, sur le terrain, Delaporte est resté relativement peu de temps. D'abord, il y a eu bien sûr cette fameuse mission d'exploration du Mékong, 66-68, deux années très difficiles pour lui-même et pour tous les membres qui ont participé à cette exploration du Mékong. Et ensuite, à l'occasion de ces deux missions personnelles au Cambodge, Delaporte reste effectivement très peu de temps. D'abord parce que physiquement, ce sont des pays qui, en ce temps-là, sont très éprouvants. On n'a pas toutes les facilités médicales dont on dispose aujourd'hui pour se prémunir contre les désagréments liés à la mauvaise gestion de l'eau et de tout ce qu'on peut consommer dans ces contrées qu'on connaît encore très mal, comme l'a dit Pierre-Baptiste. Et puis, ces deux courtes missions se soldent à chaque fois, pour lui-même et pour une bonne partie de ceux qui l'accompagnent, par une période de réelles difficultés sanitaires, physiques. Ils en reviennent tous exsangues. Delaporte est même rapatriée en 1873 et ensuite en 1881, pratiquement à l'article de la mort. Et lorsqu'il revient en France en 1882, le corps médical lui interdit définitivement de repartir sous peine de s'exposer à des risques majeurs. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, lui-même n'ira plus en Asie du Sud-Est et en revanche, il y enverra, il y dépêchera un certain nombre de ses amis et collègues pour parachever son travail de documentation que, bien sûr, il n'avait pas pu mener totalement à bien au cours de ses deux missions. Pour Pierre-Baptiste, sur le terrain de Laporte fait d'exceptionnelles aquarelles, puisqu'il est de toute manière dessinateur, on a retrouvé ses esquisses, ses carnets de notes ? On a retrouvé certains de ses carnets de notes, effectivement. Alors, pas ceux de 1866, donc ce que l'on connaît aujourd'hui, ce que l'on a pu sauver et conserver au musée Guimet, ce sont les dessins qu'il a réalisés en atelier à Paris à partir de 1868 pour la grande publication de la mission d'exploration du Mékong, donc qui ne va en fait être publiée que à partir de 1873, hein, la chute du Second Empire, la guerre avec la Prusse, la Commune de Paris, tout ça, ça a beaucoup ralenti en fait la publication de la mission d'exploration du Mékong. Donc ces dessins-là sont conservés. En revanche, ce qu'on en a pu retrouver, ce sont des carnets de dessins de ces missions ultérieures, et notamment de la mission de 1873, qui se trouve toujours dans la descendance de Louis de Laporte, et que l'on expose au public pour la première fois. Pour nos auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Pierre-Baptiste, Thierry Zéphir, que vous êtes les commissaires de la grande exposition « Encore naissance d'un mythe » qui ouvre demain ses portes au Musée national des arts asiatiques, bien sûr, donc le musée Guimet. Dans quel état de conservation est encore dans les années 1870-1880 ? Alors en fait, le site d'Encore, à cette époque, apparaît dans un état de conservation effroyable, puisque les temples sont, pour la plupart d'entre eux, absolument enserrés dans une jungle impénétrable. Certains d'entre eux sont presque invisibles. Henri Mouhot, en 1860, est passé à côté du bâillon sans le voir, en fait. Le grand monument. Le grand monument, voilà, le grand sanctuaire central de la ville, même d'Angkor, édifié à la fin du XIIe siècle. Donc, effectivement, ces architectures sont, pour la plupart d'entre elles, disloquées. Un seul Angkor Wat est resté en activité et est un peu entretenu. Pour le reste, c'est vraiment le chaos. Mais en revanche, il ne faudrait pas tout dramatiser, parce que ce qui est plutôt bien conservé à l'époque et qui le sera moins ensuite, ce sont les bas-reliefs eux-mêmes. C'est-à-dire que ces temples disloqués par la forêt sont en même temps protégés par cette épaisse couche de végétation qui a agi pendant des siècles comme une serre qui a protégé en fait les temples, les décors de l'architecture de ces monuments de l'action immédiate du soleil et de la pluie. Et en réalité, depuis le début du XXe siècle, depuis les années 1910-1920, au moment où on a commencé à dégager ces sanctuaires, évidemment pour les restaurer, leur redonner une dignité, une vision d'ensemble, eh bien, on les a aussi soumis à nouveau à l'action du soleil et de la pluie, et donc à cette érosion naturelle qui est un processus qui a eu tendance à s'accélérer, d'autant plus que le matériau, les grès constitutifs de ces temples sont aujourd'hui très âgés. Ce qui fait que quand il a visité ces monuments, eh bien, de la porte a vu des sanctuaires disloqués, certes, mais dont les bas-reliefs étaient plutôt en meilleur état que ceux que l'on peut voir aujourd'hui. Et donc les moulages qu'il fera prendront toutes, bien sûr, leur importance. On sait que l'Empire Khmer est fondé autour du début du 19e siècle de notre ère. Est-ce pour autant le début de la cité d'Angkor ? Alors, le début de la cité d'Angkor est en fait inconnu aujourd'hui. On sait depuis relativement peu de temps, depuis des travaux archéologiques conduits par Christophe Potier de l'École française d'Extrême-Orient, que le site est occupé depuis au moins l'époque protohistorique. Il y a quelques sanctuaires qui ont été édifiés au tout début de la période pré-angkorienne, donc on est aux alentours du 6e, du tout début du 7e siècle de notre ère. Et souvent en briques. Alors absolument, souvent en briques, et d'où leur mauvaise conservation dans le temps. Et en général, il ne reste de ces monuments très anciens, en tout cas sur le site d'Angkor, que des vestiges de soubassement. Le roi Yashovarman, c'est bien sûr très dur à dire, est souvent jugé comme le grand créateur d'Angkor, avec les aménagements gigantesques, les monuments en pierre, les temples montagnes. On peut y penser, on peut y croire ? Ou est-ce une longue cité qui se construit sur des centaines de siècles, des dizaines de siècles ? Alors là encore, ça n'est pas le premier souverain à construire une cité sur la plaine qu'on nommera plus tard la plaine d'Angkor. Hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être le roi qui, autour de l'an 900, va donner au site une dimension absolument cyclopéenne, hein, puisqu'il va centrer sa ville sur le Phnom Bakeng, qui est une colline naturelle au sommet de laquelle il va ériger un très grand sanctuaire consacré à Shiva, la divinité principale dans l'hindouisme tel qu'il est pratiqué par la royauté khmer. Et puis, autour de cette colline, il construit une vaste cité qui ne fera qu'augmenter au cours des siècles. Alors parlons peut-être 5 secondes des réservoirs, de l'eau et de son rôle avec un système hydraulique extrêmement performant. Et oui, pour faire vivre toute cette population centrée sur le site d'Angkor, il faut disposer d'une agriculture intensive. Et le climat spécifique de ce pays, qui est très particulier, puisqu'en fait il connaît essentiellement deux périodes climatiques, en fait une saison sèche et une saison humide, nécessitent effectivement des aménagements hydrauliques à la fois pour juguler la masse d'eau quand celle-ci s'accumule, ou à l'inverse, la garder, la maintenir pendant la saison sèche. Et donc ces grands barrages, ces immenses réservoirs qui avaient plusieurs kilomètres de digues, en fait, hein, qui permettaient de contenir cette eau, eh bien, étaient là justement pour réguler l'importance de l'eau tout au long de l'année et donc procéder à une riziculture intensive. De la Porte entreprend aussi une œuvre considérable, une de ses idées peut-être les plus folles, mouler les monuments. C'est peut-être une de ses idées les plus folles, mais c'est aussi vraiment une idée du 19e siècle. En cela, Louis de la Porte est vraiment un homme de son temps. Il veut montrer à Paris les éléments authentiques, les éléments originaux de ce patrimoine khmer qui le fascine. Donc, il rapporte en France, avec l'accord du roi du Cambodge, des éléments de statuaire et de décor architectural. Mais ce qu'il ne peut pas rapporter, et ce qu'il ne veut pas rapporter, c'est-à-dire les bas-reliefs qui sont sur les temples mêmes et qu'il aurait pu très aisément découper et mettre sur des radeaux pour les envoyer à Paris, mais ce qu'il ne veut pas faire parce que telle est sa déontologie en la matière, eh bien, il va le transporter, le rapporter à Paris sous forme de moulage, effectivement. Alors tout ça rentre, on l'imagine, en canonnière, suit le Mékong et arrive, bien sûr, sur la Seine. Visiblement, les conservateurs du Louvre auront un point de vue un petit peu différent de celui de la Porte sur ses œuvres. Oui, ça va être peut-être la déception majeure de Louis de la Porte. Il se trouve que tout ce qu'il a décrit concernant ce patrimoine, la place qu'il leur accorde au sein des grandes civilisations de l'humanité, tout cet état d'esprit fait que, en fait, il considère que le Louvre est le seul musée digne de recevoir cette collection. Et quelle ne sera pas sa surprise et surtout sa déception d'apprendre qu'en fait, les conservateurs du Louvre, devant lesquels on ouvre quelques caisses dans la cour carrée du Louvre, en présence du directeur des Beaux-Arts, eh bien, n'accepteront pas cette collection, car évidemment, de la Porte est à l'époque incapable d'en préciser l'ancienneté, parfois même de préciser la nature des iconographies et l'esthétique nouvelle pour des conservateurs habitués à des patrimoines du bassin méditerranéen, paraît à leurs yeux un peu rebutante, et on referme les caisses, et jamais l'Arc-Mer ne sera exposé au Louvre. Thierry Zéphir, donc jamais les Khmers seront entre les Égyptiens et les Assyriens, puisque c'était ce que souhaitait Louis de la Porte. Non, comme les arts premiers d'ailleurs, pour finir. Oui, en fait, physiquement, l'Arcmer, effectivement, n'est jamais entré au musée du Louvre, mais l'Arcmer a été et demeure très présent à Paris. D'abord parce que Louis de Laporte a finalement réussi à présenter cet Arcmer à ses contemporains dès 1878, à l'occasion d'une grande exposition universelle. Il a ensuite pérennisé cette présentation temporaire dans ce que l'on a appelé le musée indochinois du Trocadéro, qui était un musée regroupant, enfin réunissant à la fois les moulages, les reconstitutions de monuments ou de parties de monuments que Louis de Laporte avait réalisés, et puis bien sûr des originaux. Et à la fermeture de ce musée indochinois du Trocadéro, les originaux rejoignent dès 1927 les galeries d'exposition du musée Guimet, et les moulages, pendant très longtemps, vont connaître une sorte de purgatoire jusqu'à l'année dernière, où ils ont définitivement quitté leur dernier lieu de stockage avant de revenir sous les feux de la rampe à l'occasion de l'exposition qui va s'ouvrir demain. Alors ces moulages, c'est ceux des expositions universelles qui nous ont fait de fait connaître l'Arcmer ? Eh bien, oui et non, à vrai dire, parce que les moulages que Delaporte a ramenés, qui sont donc en fait des tirages originaux, hein, vraiment, des bas-reliefs réalisés sur place et dont les tirages en plâtre sont transportés avec toutes les difficultés que vous évoquiez, comme pour les originaux, jusqu'à Paris, vont être toujours conservés au musée indochinois du Trocadéro, en tout cas jusqu'en 1936. En revanche, cette collection va servir effectivement comme une carrière de motifs décoratifs, si vous voulez, pour tous ces pavillons du Cambodge qui vont être édifiés à Paris et en province à la faveur des expositions universelles et coloniales qui vont avoir lieu à Paris en 1889, en 1900, à Marseille en 1906, en 1922, et puis évidemment qui vont se terminer par une sorte de bouquet final dans le bois de Vincennes par l'exposition coloniale internationale de 1931. Enfin, toujours est-il qu'après 1936, les palâtres sont relégués dans une zone industrielle de Clichy. Et puis, elles finiront leur jour, bien sûr, ils finiront leur jour dans les caves de l'abbaye de Saint-Riquier, dans la Somme. C'était une fin particulièrement tragique pour ces documents, sont quand même d'importance. Oui, bien sûr. Alors, à l'époque, ça n'était pas complètement considéré comme une fin tragique. Il y a eu un vague projet d'installer une partie de la collection dans le logis abbatial de Saint-Riquier, d'exposer ses collections, car mon prédécesseur, Albert Le Bonheur, était conscient de l'importance de ses collections de moulage. Il avait d'ailleurs même organisé une petite exposition à l'Hôtel de la Monnaie à Paris au début des années 90 sur cette question. Mais hélas, il n'était pas parvenu à cette époque, c'était peut-être trop tôt, je ne sais pas, à réaliser une opération de grande ampleur, en fait, pour sauver l'intégralité de la collection. Et c'est effectivement ce que nous avons pu faire l'été dernier en ressortant des caves de l'abbaye de Saint-Riquier plus de 1200 fragments de bas-reliefs, parfois de très grande taille, qui sont aujourd'hui conservés dans de très bonnes conditions dans un dépôt géré par le musée Guimet dans la banlieue parisienne. Alors que voit-on bien sûr dans votre exposition ? Eh bien, pour la première fois depuis 1927, d'impressionnants moulages réalisés dans les années 1870 jusque dans les années 1920. Des pièces devenues uniques aujourd'hui, étant donné l'état de conservation des monuments originaux ? Certaines de ces pièces sont effectivement devenues de véritables originaux, en fait. J'en donnerai deux exemples. Nous avons par exemple le moulage de la partie centrale d'un linteau, un dessus de porte, qui a été moulé à la fin du 19e siècle à Coquer, dans un site du 10e siècle, qui a hélas subi du pillage dans les années 1970. Et en fait, la partie centrale de ce linteau, aujourd'hui, on ne peut plus la voir au Cambodge. Elle a disparu. On la retrouvera peut-être un jour sur le marché de l'art, mais en attendant, notre moulage est le seul exemple qui soit encore conservé aujourd'hui. Un autre aspect, eh bien, est un moulage d'un détail, d'un bas-relief d'Angkor Wat qui a été tiré dans une galerie en 1880, et cette galerie s'est écroulée en 1947. Pierre-Baptiste Zaffir, merci beaucoup. Avoir donc absolument encore naissance d'un mythe au musée Guimet, une exposition qui débute invite dès demain à découvrir aussi le très beau catalogue que vous avez publié tous les deux aux éditions Gallimard. Je signale aussi que se tiendra un colloque le 22 novembre, Vision d'encore, des premières études à la recherche contemporaine. Le mardi prochain à 15h30, Gilles Sauron de l'Université de Paris 4 sera mon invité pour nous parler de Rome et de son art. Le Salon Noir est réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierrick Monsigny, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur les pages du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.